Alors, nous y voilà. C'est la version 1 2000. Alors. Merci à tous, merci au public d'être venu, merci surtout à Fleur Beauvieux et Julien Puget d'avoir organisé ce séminaire. Et merci aussi à l'EHESS de m'accueillir dans ce très beau lieu qui est la Vieille Charité. Alors. On ne va pas parler de Marseille, on va parler de Rome. Alors ça peut paraître étonnant parce que Rome, dans l'imaginaire populaire, est une cité détachée du littoral. Ça n'a pas toujours été le cas. Et même on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'un port, qu'est-ce qu'une cité maritime? Est-ce que Marseille est encore une cité maritime aujourd'hui? Ce n'est pas forcément le cas. Est-ce qu'on peut plus parler d'une cité en bord de mer, face à la mer, plutôt qu'une cité qui vide la mer ou qui se projette sur la mer? Ou alors, la mer qui se projette sur la cité, c'est assez difficile de le qualifier, de le quantifier et de l'appréhender, même pour un chercheur, même pour un historien qui se veut au sein du courant historiographique de la recherche maritime. Même l'histoire maritime pose problème dans ses définitions. En effet, aujourd'hui, désormais, les travaux que l'on mène, quand on se réclame de l'histoire maritime, se font par l'intermédiaire d'une caractérisation socio-économique de l'ensemble de l'espace littoral, qui convient plus à la définition d'ailleurs de mon propre travail. Donc c'est une conséquence naturelle des récentes évolutions historiographiques. Alors surtout, qu'il se concentre sur la définition de la portualité ou sur les aspects sociaux de la pluriactivité économique, le changement d'échelle vers les littoraux multiplie les champs d'investigation, tout comme les problèmes de définition. En effet, port, mouillage, plage décuplent les points de vue et les encastrements institutionnels qui sont propres aux littoraux, en faisant varier la focale de l'individu, activité littorale, jusqu'à l'État. Alors si les recoupements existent assurément, il faut faire souvent flèche de tout bois pour extraire une grille de lecture satisfaisante de la dimension sociale des trafics. Alors c'est d'autant plus essentiel quand on se penche sur le cas d'un État s'étant construit autour d'une cité aussi importante et, on peut même dire, éclatante que Rome. Centre de la chrétienté et auparavant capitale d'empire, la résonance de la Rome moderne, la Rome du XVIIIe siècle, frappait cependant moins les esprits en termes d'activité portuaire. Dans le cadre de mes travaux, je voulais extraire une grille de lecture satisfaisante des trafics maritimes romains. Et face aux archives, les archives de la Rome du XVIIIe siècle, j'étais confronté à plusieurs problèmes. Alors déjà, un problème de recherche, car quand je suis arrivé, on m'a dit « Rome n'est pas un port ». Vous ne trouverez pas d'archives maritimes, ni d'archives concernant les trafics. J'ai dû donc réfléchir justement au cadre dans lequel je me plaçais et comment j'allais appréhender la Rome portuaire au XVIIIe siècle. À ce titre, pour appréhender la qualité maritime de la cité, eu égard à l'éloignement géographique de la mer, j'ai pensé au rôle du Tibre dans un premier temps. Alors si le rôle du Tibre fut assurément essentiel, j'ai postulé que l'activité des gens de mer était tout aussi structurante sur le plan du lien entretenu avec le littoral que sur celui d'une interpénétration entre problématiques citadines et maritimes. En effet, la présence in situ, au cœur de la cité, d'une catégorie professionnelle proprement maritime nécessitait des institutions, des normes, des savoirs adaptés et connectés à des marchés et inversement. En fonction de ces éléments, la Rome portuaire pouvait être une réalité du XVIIIe siècle. Alors pour révéler toutes les sens maritimes de cette portualité urbaine, aussi physique qu'abstraite, hein, via les institutions, il faut être attentif aux apports de la sociologie, de l'anthropologie, du droit, en les appréhendant de manière concomitante, mais également aux nouvelles orientations d'une histoire économique de plus en plus liée au monde institutionnel. Construit à partir d'une superposition de structures, d'espaces et de normes, il est également nécessaire d'affronter les multiples intervalles des trafics pontificaux. Navigation sur le Tibre, projection vers Marseille du commerce du blé. Il est également nécessaire d'appréhender les littoraux et les ports, afin de saisir les caractéristiques socio-économiques de l'implantation urbaine de la portualité romaine. La seconde moitié du XVIIIe siècle représentait à ce titre un moment clé sur le plan des trafics. Alors que le commerce maritime concentra toute l'attention du mercantilisme pontifical, les différentes échelles des trafics romains et leurs articulations au cœur de la capitale furent au centre des grandes transformations étatiques et marchandes du XVIIIe siècle. Alors pour ce faire, je vais d'abord appréhender les problèmes de définition historiographique que j'ai pu rencontrer entre la définition de la cité et le triptyque portuaire, je m'en expliquerai par la suite. Et enfin, je présenterai la donnée maritime et l'urbanité abstraite par l'intermédiaire de l'institutionnalisation du lieu portuaire dans le cadre de Ripa Grande et du Trastevere. Alors, de quoi parle-t-on ? L'État pontifical au XVIIIe siècle, c'est l'Italie centrale. Deux côtes de plus de 200 km, une tournée vers l'Adriatique et une tournée vers la mer Tyrrhénienne. Nous allons nous pencher sur, justement, l'appréhension du triptyque portuaire. Alors, ce triptyque portuaire, quel est-il ? Je ne reviendrai pas sur la définition qu'en a fait Alain Vigarier dans ses travaux. Le triptyque portuaire, c'est un hinterland, le port, la mer. C'est-à-dire un avant-port, un arrière-pays, le port avec un rôle central et un avant-pays maritime qui s'articule autour de la donnée portuaire. Alors, ce genre cette formalisation de la définition portuaire mettait au cœur de la réflexion le rôle du port, mais le rôle du port en tant qu'entité structurée et structurante de la donnée des trafics. En d'autres termes, les trafics, pour schématiser, ne peuvent avoir lieu qu'autour d'un port structuré, qui définit en fait l'urbanité par la présence de magasins, de quais, d'institutions liées au trafic maritime et de routes qui permettent de déboucher sur l'arrière-pays. Nous avons une représentation ici de Nettuno au XVIe siècle qui montre bien la cité de Nettuno entourée de murailles, le port donc, la route qui mène à la porte principale pour rejoindre l'arrière-pays et les quais et la tour de guet. On remarque aussi à côté quand même le littoral avec la présence de lacs côtiers, de fleuves qui connectent aussi l'arrière-pays à la mer et la présence d'un arrière-pays qui semble un peu détaché de la condition portuaire. Alors ces représentations sont vraiment classiques de l'époque moderne quand on parle de représentation portuaire. Je pense notamment à Joseph Vernet, à qui on avait commandé une série de peintures concernant les ports français, et qui ne représenta toujours que les ports ce qui était assez prégnant dans son travail, c'était la présence d'entrepôts, de structures portuaires, pour un peu sanctifier le commerce maritime. Là, nous avons une représentation du port de Civitavecchia en 1820. Là aussi, une structure portuaire classique, avec les quais, les bâtiments enfermés à l'intérieur d'une muraille. Alors ces représentations, si elles sont des gravures ou des peintures, elles ont été aussi présentes dans l'historiographie, notamment en ce qui concerne Rome. Les discours des intellectuels de l'époque, notamment Lione et Pascoli, préconisaient le développement des trafics par l'investissement dans les structures portuaires. Il fallait renforcer les digues et les quais de Civitavecchia, qui est un des ports principaux de la côte tyrrhénienne romaine, ou sinon améliorer l'embouchure du Tibre, Fiumicino. Alors, ces représentations ont influencé l'historiographie dans le sens où elles ont concentré les aspects du trafic maritime sur les structures portuaires. Ainsi, les travaux dans les années 1970-1980 se sont appliqués à démontrer que l'État pontifical étant un État en déficit permanent au niveau économique, n'a pas pu investir et donc développer son trafic. Et donc, on compare souvent cette situation à la Toscane, à Livourne, qui justement avait un port avec un trafic beaucoup plus important et qui avait su investir au bon moment et qui avait justement le socle social adéquat pour pouvoir obtenir des trafics importants. Or, désormais, encore une représentation du port d'Ostie, c'est le port d'Ostie antique représenté au XVIe siècle. Donc on est toujours dans le même type de représentation avec les quais, les structures. Et là, il y a une espèce de transfert historique entre justement la représentation antique et l'image que l'on s'en fait au XVIe siècle. Excusez-moi. Alors ce triptyque portuaire, pour moi, pose plusieurs problèmes en fait. On sait désormais qu'une grande partie du commerce s'effectuait à partir des plages, des mouillages, dénués de toute structure portuaire, mais pas de structure institutionnelle. Il y avait des gens pour contrôler le trafic, des agents, Et on pouvait, je donne un exemple, exploiter une forêt qui se trouve en bord de plage, sans structure, surtout que les embarcations, le type d'embarcation utilisé permettait d'aller sur la plage, de charger les marchandises ou le matériel, et de repartir vers d'autres cieux. Alors ce trafic a été sous-estimé parce que, je prends le cas des Génois justement, qui en Calabre avaient su animer une économie, l'économie de l'huile d'olive, directement en direction de Marseille pour alimenter les savonneries. Ils le faisaient à partir d'un lieu dit, enfin un lieu dit d'une plage qui s'appelait la plage de Pietrenere. Et cette plage ne possédait aucune structure portuaire. Et ce commerce, à une époque, était aussi important dans l'exportation d'huile d'olive du royaume de Naples que des cités comme Naples, justement, voire le dépasser. Alors moi, je propose un autre modèle. Je propose l'idée de triptyque littoral. Le triptyque littoral, c'est on garde l'hinterland. À la place de la donnée portuaire, nous l'appelons littoral, ce qui est beaucoup plus ouvert. Les plages, un port, une cité fluviale, avec un avant-pays maritime. Mais cet avant-pays maritime, on le connecte avec un autre triptyque littoral, et en mettant la donnée maritime au cœur de la réflexion. Pourquoi ? Parce que les acteurs maritimes connectent les espaces, connectent les échelles des trafics. Et on peut tout à fait, à partir de deux triptyques littoraux, là j'en ai mis juste deux en concurrence, mais on peut très bien les étendre à une dizaine, à une trentaine, on peut mettre en association le littoral, littoral portuaire, littoral des plages, littoral des mouillages, littoral fluvial, et ça permet d'avoir une définition beaucoup plus ouverte de la donnée portuaire. Et justement, cette donnée portuaire, elle peut très bien s'appliquer désormais, sous cet angle, à la ville de Rome. Alors là, nous avons représentation du Tibre. Donc, en bas de l'image, vous avez donc l'embouchure du Tibre. Sur votre gauche, vous avez la Fiumara. C'est le port de Fiumicino, qui est l'entrée du Tibre, l'entrée administrative, avec un contrôle étatique, un premier contrôle douanier et un premier contrôle administratif. Ensuite, il était possible de remonter le Tibre jusqu'à Rome. En haut de l'image, vous n'avez pas la cité en entier, mais c'est le début de la cité urbaine. Ici, une représentation de Rome au XVIe siècle. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer. Vous avez quelques bateaux. Vous les voyez ? Voilà. C'est le port, l'ancien port de Ripa Grande. Bon, là, pour l'instant, au XVIe siècle, on est dénué de structure. On remarquera qu'il n'y a pas la présence de l'arsenal. Bon, là, j'avance un peu, mais normalement, à cet endroit, là où vous voyez distinguer la représentation des bateaux, il y a un arsenal, l'arsenal pontifical de construction. Or, cette représentation montre déjà la présence, in città, dans la cité, dans le cadre urbain, même si c'est à l'entrée de la cité, du trafic maritime. Cette représentation va évoluer. Au XVIIe siècle, elle disparaît. Alors, elle disparaît dans le cadre de cette représentation, une représentation anonyme, mais on remarque déjà que la cité se ferme et que la représentation de la navigation maritime sur le Tibre n'est plus présente. Alors, là, pour y répondre, je me suis beaucoup posé la question parce que ce n'est pas la première représentation qui élude un peu ces aspects maritimes. Il y avait une crise commerciale, une crise des trafics. Je suppose que le trafic maritime à destination de Rome était beaucoup moins important et que les gens qui souhaitaient représenter la ville de la cité n'en ont pas tenu compte. En revanche, au XVIIIe siècle, reprise du commerce, le grand XVIIIe siècle en quelque sorte, avec les grands trafics, retour des navires, on commence à distinguer le début de l'arsenal, Ripa Grande, et l'arsenal juste avant, en bas de l'image, derrière le dernier bateau. Et là, nous avons la représentation de Noli, de 1748, de la cité romaine. Bon, il y a bien sûr une progression de la représentation et de la technique pour représenter la cité. Hein. Mais voilà, le quartier du Trastevere en 1748. Alors cette image, elle est intéressante à plusieurs titres. Centré en bas de l'image, vous avez l'arsenal de la Rome pontificale, et Ripa Grande. Je ne sais pas si vous distinguez les bateaux, je crois que j'ai une image qui est plus... voilà, encadrée. En bas du cadre, c'est l'arsenal romain, l'arsenal des papes, qui n'est pas un arsenal institutionnel, proprement dit, mais qui est contrôlé, je le suis par mes sources, par des étrangers. notamment des Napolitains de Gaète. Gaète était à l'époque au sein du royaume de Naples, qui avaient la technique maritime, le savoir maritime, et qui ont peu à peu phagocyté tous ces intervalles économiques du savoir maritime et de la professionnalisation maritime, afin finalement d'en maîtriser tous les aspects. Donc l'arsenal, la construction navale, était contrôlé par des étrangers. Au-dessus, vous avez Ripa Grande. Alors Ripa Grande, c'est le port de Rome. Il était apparemment présent, pas sous cette forme, la forme du XVIIIe siècle, mais depuis le XIe siècle. Et c'est vraiment, c'est un port maritime, avec des institutions maritimes. Il y a un tribunal, le tribunal de Ripa Grande, qui règle les affaires maritimes, qui a des statuts maritimes, qui tient compte du droit maritime de l'époque, droit du consulat de la mer, rôle d'Oléron, ordonnance de Colbert, et qui règle chaque jour, quotidiennement, les litiges liés aux fortunes de mer, qu'elles se déroulent à Marseille ou dans le sud. Les procédures tiennent compte de tous les aspects maritimes. Donc il y a vraiment la présence dans la cité d'un port maritime, connecté à la mer, par le Tibre, certes, mais la présence de ces institutions fait que Rome est une ville maritime proprement dite au XVIIIe siècle. Surtout, tout le quartier qui se situe au nord de l'encadrement de l'arsenal, voilà, le Trastevere. Le Trastevere et le quartier des marins. Ils sont présents, ils s'y marient, ils font baptiser leurs enfants, ils échangent, ils y vivent, ils y meurent. Et ce qui est intéressant dans le cas de Rome, c'est que, j'en ai pas parlé, mais bon, vous vous doutez qu'il y avait un déficit de main-d'œuvre, parce que de main-d'œuvre et de savoir maritime, ils sont tous d'extraction étrangère. Ainsi, nous avons dans le quartier du Trastevere les églises de la confraternité de Gênes, où les marins génois vont se faire soigner, les marins liguriens, disons. Vous avez les églises des Napolitains, vous avez des lieux de sociabilité, des gens de Gaète, et vous avez aussi la présence toscane. Disons que ce sont les trois principales nations, si le terme peut convenir, qui sont présentes dans le Trastevere. Alors, en tenant compte de ces éléments, et justement, au tribunal de Ripa Grande, il y a le notaire qui s'occupait des écritures, des actes du tribunal, mais il étendait aussi ses compétences aux actes réglant la vie quotidienne, les dots, les décès, les mariages, les controverses, qu'elles soient juridiques, mais du droit privé, et également les controverses au niveau des financements. Eh bien, chaque jour, ces gens de mer, discutent, comme à Marseille, comme à Naples, de leurs problèmes quotidiens, et de problèmes vraiment maritimes, avec un type de sociabilité maritime. Type de sociabilité maritime, pourquoi ? Parce que souvent, le règlement des dots, le règlement des décès, ce sont des parts d'embarcation, ce sont des marchés, ce sont des maisons qu'on possède, mais qu'on possède à Gaète, ou en Ligurie, ou encore la Spezia, même voire à Marseille. Ce sont aussi des controverses qui s'étendent jusqu'à Marseille. J'ai trouvé dans les archives des problèmes de financement de navigation qui se réglaient à Marseille et dont on demandait des copies. Donc, à partir de tous ces éléments, la Rome, en tant que port, existe assurément et assure même la vitalité d'une partie de la cité, en étant connectée avec les problématiques urbaines. Je pense que qui aime bien l'Italie et connaît Rome connaît la Piazza Navona, le Campo di Fiori. Eh bien, ces acteurs maritimes sont connectés avec les marchands, les petits revendeurs, les détaillants, qui revendent du poisson en provenance de Hollande, de Terre-Neuve, acheminés par ces embarcations qui vont souvent jusqu'à Marseille, à Livourne, voire à Livourne, et qui remontent le Tibre, en mettant en jeu une structure particulière, le halage. On utilisait une vingtaine de buffles, justement, qui attendaient à Fiumicino, et qui faisaient remonter toutes ces embarcations jusqu'à Ripa Grande. Cette technique de halage avec les buffles était institutionnalisée. Il y avait un capo dei bufolari, c'est-à-dire une personne chargée de contrôler si les bêtes mangeaient bien, parce que c'était essentiel à Rome. Si une bête mourait, c'était une catastrophe parce qu'on ne pouvait pas faire remonter les embarcations jusqu'à Rome, et donc ça pouvait endommager le commerce de certains détaillants de la capitale. Mais ce sont aussi des difficultés, car le Tibre est un fleuve capricieux. Ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le Rhône non plus. Donc on peut facilement être incariato, c'est-à-dire calé à terre, sur un banc de sable, et rester bloqué. Et donc, à ce moment-là, on comprend pourquoi ces personnages se sont implantés dans le cadre de la cité. Parce qu'ils pouvaient, ils avaient les savoirs qui leur permettaient d'envoyer un marin rapidement, à pied, jusqu'à Rome, pour aller chercher des petites embarcations de halage pour aider à se sortir de cette situation. Chose qu'ils n'auraient pas pu faire en étant complètement déconnectés des problématiques de la cité. Alors ici, nous avons une représentation de l'arsenal de Rome, que l'on voit au premier plan sur la gauche, avec les deux grandes entrées. Arsenal qui est encore aujourd'hui présent, mais qui est... la ville de Rome n'a pas les moyens pour le restaurer, donc il est pratiquement détruit. Et au second plan, on voit déjà l'image de Riva Grande. On observe aussi le type d'embarcation. Ça, ce sont plutôt des embarcations qu'on appelle... vous avez un Navicelli et un Begolino. Ce sont des embarcations typiques pour naviguer sur le fleuve. Alors là, c'est le port de Riva Grande. Nous ne sommes plus à l'entrée de la cité, mais on le voit de derrière, avec ses quais, sa tour de douane et l'hospédalé de Riva qui est juste derrière, qui accueillait les nécessiteux. Encore une autre vue de Riva Grande en 1801. Le port est toujours présent, la navigation est toujours présente. Là, c'est une vue du Janicule. Le port de Riva Grande en 1846. Alors là, on est rentré dans une autre phase. Nous sommes dans le début de la navigation à vapeur. Rome est toujours une ville maritime. Avec la vapeur, on se dédouane des problèmes logistiques avec le halage. On peut remonter le Tibre. On achemine des embarcations. Et il y a une forme d'apogée de navigation fluviale, fluvio-maritime, disons, jusqu'à Riva Grande. Et c'est une apogée qui va être de courte durée. Voici le port de Riva Grande aujourd'hui. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En 1859, c'est l'avènement du chemin de fer. La structure Ripalli du port de Riva Grande obéissait en fait à une logistique qui s'étendait au port de Civitavecchia. On faisait d'abord escale à Civitavecchia en déposant une partie de marchandises ou non, et puis on rejoignait Riva Grande. Ceux qui rejoignaient Riva Grande étaient les capitaines qui habitaient dans le Trastevere justement. À partir de 1859, le chemin de fer est voté et acté. Donc la ligne Civitavecchia-Rome va connecter finalement le marché romain aux acheminements qui se faisaient normalement depuis déjà la Toscane et de façon plus lointaine depuis le nord de l'Italie. En 1870, après plusieurs terribles inondations, on décide en fait d'élever des murailles pour protéger la cité. Et la ville de Rome, jusqu'à l'unité, détruit toutes les structures qui connectaient la cité à la mer, finalement. Elle détruit aussi la sociabilité des gens de mer, du Trastevere. Finalement, la cité n'est plus enserrée de murailles, mais elle a créé d'autres murailles, les murailles fluviales, j'appelle ces murailles les murailles fluviales, qui ont complètement déconnecté la cité de son histoire maritime et de son port. Rapidement, au début du 20e siècle, la ville n'est plus... on le voit dans les archives, la connectivité institutionnelle de la cité avec son passé maritime est complètement délitée. Les gens de mer quittent le centre de Rome, le Trastevere devient un quartier très pauvre. Et surtout, une partie de Rome perd son identité. Et je vais finir sur ça, c'est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nombreux sont les travaux justement à essayer de retrouver cette identité. Et on s'est beaucoup interrogé sur l'opportunité de détruire ces murailles et de mieux repenser en fait la connexion, on parle de symbiose, la symbiose entre le quartier du Trastevere de Riva Grande avec le Tibre. C'est assez frappant de voir le nombre d'études faites à ce sujet, en essayant, des fois de façon un peu mythifiée, de retracer le caractère maritime de la cité. On sent un manque, disons, au niveau institutionnel comme au niveau privé, dans la recherche privée. Mais est-ce que c'est pas le cas pour Marseille aussi, de se prévaloir de cette identité maritime de façon un peu schizophrénique, de rechercher quelle était quelle identité maritime de Marseille, quand, comment, la remettre en avant par rapport à l'idée que l'on se fait de Marseille. Mais est-ce que c'est possible, justement? vu que les activités maritimes se passent finalement au second plan, sont décalées justement dans le cas de Marseille. Donc c'est toute la question que je pose. Je soulève plus de questions que j'apporte de réponses, mais je pense que le point de comparaison avec Rome n'est pas, ne s'oppose pas en fait, n'est pas une contradiction. Voilà. Je vous remercie.